Jeanne avait été jetée dans l'un des plus sombres cachots du château de Rouen. C'était une petite pièce carrée dans les sous-sols. Un jour chauve y parvenait à peine par un maigre soupirail. Les murs étaient humides, l'air fauve. Cela puait l'urine, l'acide carbonique et la putréfaction. Dans un angle, un tas de paille, ou plutôt de fumier, servait de lit. À côté, un seau hygiénique à tous usages. D'immenses toiles d'araignées, des toiles à fresques pendaient aux poutres par larges pans épaisses de bêtes. Par intervalles, cela ondulait dans la pénombre avec un étrange, un mortuaire serpentement. Parfois, une chauve-souris couleur de nuit, les ailes molles traversaient la salle en diagonale d'un trait. Sur le sol gras et noir, trottaient de gros rats éclatants, tout empanachés de dents et de queues. Au moment des repas, il s'approchait de Jeanne, familier, avec une effronterie toute militaire. Ils se tenaient là, en cercle, la considérant de tous leurs petits yeux rougeâtres, les oreilles aiguës, le nez écarlate. Ils quêtaient des miettes de pain, des débris d'os, se disputaient la moindre bribe, se livraient à des joies diaboliques, à des poursuites phénoménales. Soudain, ils décampaient en blocs, verts et vils, dans la pénombre, avec leurs milliards de pattes.